seigneur du château, pas fier, nous revient d'une guerre. Les canons se taisent, dernier concert qui les a fait taire. Qui a gagné, qui a perdu, qui sera ce manque de toi, il y a celle qui se fait la